des fleurs. L'ombre ardente, chaque souffle devient offrande brûlante. Je cède au feu de ton regard, chaque mot grave est un espoir. Red Skill trace sa voix dans l'air, sa chaleur sombre fend la lumière. Nos deux murmures se cherchent, s'unissent. Chaque désir éclate et glisse. Whisper softly. Chaque frisson devient mensonge. Tes mains s'attardent, je me perds. Chaque mot m'élève dans l'éther. Rider Skill s'impose dans mes veines. Sa voix rauque m'enchaîne et m'entraîne. Nos murmures s'étirent dans la nuit. Chaque désir devient un cri. Nos voix éclatent. Nos corps s'élancent. Chaque vibration devient cadence. Sous la baisse, nos chants s'élèvent. Chaque passion. Désir devient éternel. Nos voix frappent, nos corps s'élèvent. Chaque vibration dit devient sève. Sous les néons, la fièvre éclate. Ride ce qu'il règne, sombre et un chant poétique, une douce chaîne. Writer's Guild. Writer's Guild. Writer's Guild. Writer's Guild. Writer's Guild.